Générique. Alors attention, c'est un nouveau générique. Nouveau générique. Et ah. on a repris les mêmes personnes à l'animation parce que... Bon, personne d'autre. Bon, roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. L'émission. Que la fête commence, les amis. Ça ira mieux demain, l'émission, une nouvelle saison avec Laurent, Manon qui sera là un jour ou l'autre, et puis votre serviteur pour vous dévoiler plein d'infos sur les séries des plateformes Netflix, Amazon, Prime, Disney+, et d'autres petites infos croustillantes. Alors moi, je voudrais émettre une critique sur ce nouveau générique. Oui. Hein, une critique peut être bonne ou mauvaise, on est d'accord. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que Jack Sparrow va apparaître? Non, et ben ça n'est pas du tout rien à voir avec Jack Sparrow, parce que ça fait effectivement... Bah ça fait musique, cinéma, grand cinéma... Eh oui, eh bien non, tu sais de tout ça, enfin beaucoup de... C'est tout, mon cher Laurent, oui. D'où ce générique provient? On va essayer de faire des phrases qui veulent dire quelque chose... ça, un court instant, je me suis dit, oh là, je sais pas où on part, mais on y va. Alors, entre moi, la gorge qui me pique. Qu'est-ce que c'est que cette rentrée? Oui, bah, c'est pour ça, rentrée en octobre, mi-octobre. Du mais coup, c'est pas bon. Hein, c'est le, pas bon. C'est le, pas le, bon. Le temps n'aide pas. Ne t'en aide pas. Oui. Donc, j'ai bien compris, ça vient d'une série. Ça ne vient pas de Pirates des Caraïbes. Et pourtant, ça fait penser. Ça fait penser à cela. Eh bien, non. Ça vient de la série à succès dont on aurait dû vous parler en long, en large et en travers si on était rentré début septembre. Car c'est la série de la rentrée, c'est la série adaptée du manga, c'est la série One Piece. One Piece, c'est la musique qui soutient et quelques textes ont été pris de la série One Piece. Et qui est un véritable succès, on y reviendra dans quelques instants. Dans les séries actuelles. On reviendra également dans les séries et dans notre émission aujourd'hui. Alors là, ça pourrait être dans Cultissime, je marche un peu sur tes plates-bandes, mais sais-tu qu'on reparle de Buffy contre les vampires, et comme c'est Halloween, je me devais d'en parler, parce que à partir de... Je le dis pas tout de suite, on en reparlera tout à l'heure. Et enfin aussi, une autre information... On fait toujours du vieux avec, on fait toujours du neuf plutôt avec du vieux, parce que faire du vieux avec du neuf, c'est plus compliqué. Harry Potter, oui. On n'a pas fini de tirer sur le fil. Eh bien, il va y avoir une série. On va encore recreuser la vie d'Harry Potter et on s'intéressera donc dans le palais, comme je le disais tout à l'heure, de deux autres séries qui cartonnent également. Jane V et, bien sûr, Lupin. Voilà pour le programme de cette émission. On commence avec le choix de Manon. Normalement, elle choisit une musique. Donc, à défaut de l'avoir, on aura au moins son choix musical. Et Manon qui doit même plus pouvoir nous écouter puisque je ne dirai pas tous les mots vulgaires qu'elle met sur mon portable par SMS. Elle vient de perdre. Elle n'a plus de portable, elle n'a plus de batterie non plus. Donc, elle n'entendra pas sa chanson. Voici Luigi. Et ça s'appelle Monde, le choix de Manon. Alors Manon, un conseil, tu vas sur le podcast de l'émission et tu pourras entendre ta chanson. compter parmi les grands de ce monde. J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Chaque jour que Dieu fait, je remercie le monde de m'avoir laissé tomber. Abandonné comme une bête sauvage blessée. Je regrette le temps que j'ai passé à me négliger, m'ignorer, m'excuser d'exister. J'ai payé de mon sang toutes les richesses et les merveilles de vos continents. Je le fais avec mon cœur, mes couilles. Je ne prends pas de cours de chant. Je ne prends pas de cours de chant. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. Parmi les grands de ce monde. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort. Elle a guéri chaque partie de mon corps. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort. Elle a guéri chaque partie de mon corps. Chaque partie de mon corps. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Benoît qui a retrouvé les joies de l'électricité. Avant, oui. Il était dans sa cave, maintenant il est au salon. Oui, et j'ai mis de la lumière, mais il faudra que je retrouve ma petite lampe. Là. Elle existe encore, ma petite lampe? Ah oui, elle existe encore. Elle est toujours là. Donc... Oui, elle est toujours active, je peux la ramener. Voilà, j'aime pas les néons. Avant, il y avait des petites lumières. Mais... Voilà, c'était donc cette belle chanson de Manon Luigi, qui s'appelle donc « Monde ». Allez, partons maintenant dans notre générique avec cette série One Piece qui est effectivement est une série à succès qui est tirée d'un manga les plus populaires au monde et donc et qui a fait un gros succès pendant dès sa sortie dès la fin août. Alors c'est un univers un petit peu particulier. On suit un jeune pirate possède un chapeau de paille. Il s'appelle Monkey Luffy, qui emmène un équipage improbable dans une épique chasse au trésor. C'est simple, le pitch est un peu comme ça, un peu quelconque, mais ça fonctionne plutôt pas mal. On se replonge. Alors, ça n'a peut-être rien à voir, mais ça m'a fait penser à un feuilleton que je regardais dans ma jeunesse. Ça doit dater aussi des années 70, 75, 80, où c'était quelqu'un qui partait en vacances avec des copains sur un bateau. Deux ans de vacances. Et donc, mythique. Mythique. Alors, ça n'a pas vraiment. Mais ils font naufrage sur une île. Ils font naufrage sur une île. Il y a aussi une histoire de trésor. Il y a des tas de choses, plein d'aventures. Et là, ça m'a fait un peu repenser à cette bande de copains qui partaient en vacances. Alors là, ils ne partent pas du tout en vacances. C'est un petit bonhomme qui crée avec un petit chapeau de paille. Et si vous êtes fan, je ne connaissais pas le manga. Je ne sais pas si tu connais le manga. Je connais. Laurent. Oui. Moi, je ne connaissais pas, je suis parti d'une page. Alors, normalement, le personnage est élastique. Exact. Et il est élastique. Il a cette particularité-là. Et donc, il va avoir envie de découvrir, d'aller à la recherche de ce trésor qu'il a découvert à un moment donné, une carte. Et donc, il a décidé d'aller lui-même créer son équipage. Donc, il va prendre des gens comme ça qu'il va rencontrer au fur et à mesure. Ils vont arriver aussi à se procurer un bateau, pas toujours facile. Et puis, ils vont voguer. Ils vont voguer vers d'autres voilà plein d'aventures et chaque épisode est un peu une aventure et on voyage comme ça à travers les épisodes avec cette musique, donc une musique d'aventure que j'ai repris dans le générique, et puis toutes les petites musiques de fond que vous aurez l'occasion d'entendre eh bien sont aussi tirées de la bande originale de One Piece. Elles ont différentes ambiances et vraiment c'est une série un peu surprenante qui n'a aucun c'est ça que je trouve aussi bien dans cette série là c'est qu'il n'y a pas d'autre, on n'en a jamais eu des séries un peu de ce type là un peu rocambolesque quelque part, et elle a très bien fonctionné puisque si je regarde les derniers chiffres, on est à plus de 50 millions de vues cumulées depuis son lancement depuis fin août. Et franchement, on plagie le fameux chapeau de paille et sur TikTok, on voit plein de jeunes maintenant se faire des danses avec ce chapeau-là. Et alors, ce qui est encore le plus intéressant là-dedans, c'est qu'on est parti pour très, très, très longtemps, puisque cette série pourrait durer très longtemps. Si on en croit Marthe Adelsen et sa collègue Betty Clemens, qui ont donné une interview, c'est toute l'équipe de production, hein, Marty Adelstein, la productrice, disait que après le renouvellement de One Piece, tout de suite après la diffusion des deux premiers épisodes, eh bien, on a annoncé donc le renouvellement pour une saison 2, et donc qui arriverait d'ici un an et demi quand même, hein, pas tout de suite. Mais on pourrait aller jusqu'à un chiffre, peut-être, Laurent. Combien de saisons ? Alors, je pense que on pourrait facilement aller jusque. Je voudrais bien faire la vanne, mais j'ai pas l'info. Le dessin animé, il en est déjà à 1078 épisodes. D'accord. Ah donc, oui, je pense qu'on peut aller sur une dizaine d'années. Ouais, il prévoit au moins 12 saisons. Donc voilà, effectivement, on est à peu près dans ce que tu dis. Et en sachant que le dessin animé est toujours en production. Ouais. Et alors moi, alors du coup, il trouve jamais le trésor. C'est la question que je me pose. C'est que je dis bon bah là c'est sûr, il a pas trouvé le trésor à la fin de la saison, hein, certes, mais là si il prévoit d'en faire 12, est-ce qu'on va attendre 12 ans avant de savoir s'il y a un trésor ? Mais en tout cas du côté de l'anime, ils attendent la découverte du trésor depuis le 20 octobre 1999. D'accord. Donc voilà, il y a toujours pas de trésor en vue. Mais en tout cas, cette série, je vous la conseille. Si vous aimez les pirates, si vous aimez les séries d'action, si vous aimez les grandes épopées, aussi bien musicales que cinématographiques, c'est très très bien fait. Et Netflix n'a absolument pas raté sa rentrée avec cette série qui est donc sortie à la fin du mois d'août. Autre série dont je parlais, alors c'est une série mythique. Peut-être que Laurent en parlera dans une série, dans un de ses prochains cultissimes. Buffy contre les vampires, eh bien, oui. Revient. Voilà. Buffy revient. Alors moi j'ai vu une info passer, c'était par rapport à un des personnages campé par Charisma Carpenter. Ouais, et ben c'est pas du tout ça de l'info que moi j'ai, c'est que donc il y a deux infos. Il y a peut-être deux infos. C'est donc cette série mythique qui a été diffusée de 97 à 2003 a donc marqué son époque, mais la nouveauté c'est que le projet Buffy contre les vampires c'est une adaptation en audio. Faire revivre cette série mythique par une série audio, ça va s'appeler Slayers, Buffyverse Story, avec cette info intéressante, puisqu'on projette d'intégrer une grande partie du casting dans la série, une grande partie, notamment James Marsters, qui reprendra son rôle de Spike, rappelez-vous, c'est... Il avait les cheveux blancs, Spike. Et on pourra également entendre Charisma Carpenter qui jouait Cordelia, entre autres. Par contre, la grande déception, c'est que la comédienne, bien sûr, qui jouait Buffy, Sarah Michelle Gellar, ne reprendra pas son rôle de Buffy. Car l'histoire de Slayers, Buffyverse Story, se déroulera 20 ans après les événements que l'on connaît et verra apparaître une autre tueuse venue d'un monde parallèle. Et celle-ci sera Cordelia, qui demandera de l'aide à Spike pour combattre un démon qui terrorise son monde. À cela s'ajoutera la présence d'une adolescente nommée Indira Nunali, que Spike devra accompagner en attendant de lui trouver un observateur. Donc cette série audio, qui s'appelle donc Slayer Buffyverse Story, est disponible depuis aujourd'hui même. On ne sait pas encore si cette traduction sera proposée pour le marché français, mais je pense qu'il y avait énormément de fans français de Buffy contre les vampires, et ça pourrait être très intéressant d'avoir ça. Et moi, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, parce que Buffy contre les vampires, c'était quand même excessivement visuel, hein. Il y avait quand même pas mal Il y avait pas mal d'effets spéciaux, mais là, c'était quand même une histoire assez prenante en audio, voilà ce que c'est. Donc c'est une nouvelle intéressante à suivre, à voir si ça va arriver en France. Pas si tu connaissais cette info. Alors moi j'étais persuadé que c'était du côté de l'écrit, mais ça tournait autour du personnage de Charisma Carpenter, donc d'accord. C'est peut-être la même info, j'ai peut-être lu de trop en diagonale. Voilà, puisque c'est Cordelia qui va être la nouvelle héroïne, donc voilà. Mais cette fois-ci en version audio. Alors une info qui en est une et qui, à mon avis, pourrait nous tenir quelques années aussi... C'est bien sûr Harry Potter qui prépare son grand retour en série avec, bien sûr, une série où on va réapprofondir la jeunesse et les différents moments phares d'Harry Potter. Est-ce que là, on n'est pas en train de vraiment, une nouvelle fois, tirer trop sur la corde ? Bah voilà, c'est un peu ce qui, selon donc Eman, qui est donc le producteur qui est engagé pour mettre ce projet à bien, il explique que la série Harry Potter contiendra donc encore plus de détails sur l'intrigue des livres que les films. Warner semble déterminé à profiter pleinement du fait que chaque livre aura droit à sa propre saison. Donc, t'imagines, ça fait déjà, il y a combien, 6 livres, hein. Sa propre saison. Si on ne connaît pas encore la durée des saisons, elle ne devrait donc pas être trop courte si on veut exploiter toutes les intrigues contenues dans les livres. Voilà, donc, on annonce une date pour la première saison qui pourrait arriver à partir aux alentours de 2025. Donc, tu vois, c'est quand même une info qui peut nous tenir en haleine pendant un certain temps. Dans quelques instants, nous attaquerons nos bandes annonces, mais avant cela, nous allons regarder dans les nuages. À cette heure-ci, ils sont plutôt bien sombres. La nuit est tombée sur Nancy. Voici le nouveau Louane qui a fait un carton. Elle était à Gérardmer cette semaine. Gros, gros, gros carton. On y va. Me perdre dans les nuages, échanger. Je suis perdue entre mes rires et mon vécu. Je suis perdue entre ma tristesse et ce que je regarde dans la rue. Et je suis pas sûre de bien comprendre qui je suis. Ouais, qui je suis. C'est comme un beau mélange, quelque chose qui me démange, un sentiment qui dérange. Et non, je sais pas, c'est comme te découvrir que c'est drôle et un peu triste, voir ce que je ressens finalement. Je crois que je sais pas. Et quand je me regarde, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Dis-moi ce que je dois faire. Demain c'est beau, je veux que ce soit beau. C'est comme un bon mélange, quelque chose qui me démange, un sentiment qui dérange. Et non, je sais pas, c'est comme te découvrir que c'est drôle et un peu triste de voir ce que je ressens finalement. Je crois que je sais pas. Et quand je me regarde, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Dis-moi ce que je dois faire. C'était donc Louane avec Nuages. Allez, sans plus attendre, voici notre palais. Bienvenue au palais. Allez, deux bandes annonces et deux séries un petit peu mises en valeur cette semaine. Alors, on commence par quoi ? La première, Lupin. C'est Lupin. Lupin. Alors, on est tous fans d'Arsène Lupin, Georges Descrières. Oui. Et on est devenus fans. Je suis devenu fan d'Omar Sy dans ce drôle de Lupin qui a entamé cette partie 3 d'une manière fantastique avec de l'action, mais un Lupin qui craquelle un peu sa carapace et qui est plus humain et qui va au final je vais pas dévoiler la fin donc, mais qui évolue dans son côté gentleman cambrioleur qui évolue encore vers d'autres aventures car la fin, sans vous dévoiler la fin, nous donne c'est une porte ouverte pour une suite. Il y a aucun doute que la série va se poursuivre car c'est un carton mondial. Alors on aime ou on n'aime pas Omar Sy, mais il est magnifique dans ce rôle de gentleman cambrioleur. C'est dommage que Georges Descrières n'est plus là. Ça aurait été marrant de recueillir un petit peu son avis sur ce Lupin-là. Je pense qu'il aurait adoré. L'esprit des livres est là, même si, bien sûr, on l'a recontextualisé dans l'époque en faisant certainement un petit peu trop. Une anecdote quand même, c'est ça qui est un peu drôle. On a appris que en février 2022, à l'époque où on a tourné cette troisième partie de Lupin, eh bien, les cinéastes ont été cambriolés. Il y a Il y a eu un cambriolage au moment où il tournait, où des gens sont arrivés, ont braqué toute l'équipe pour le butin, piquer des caméras, des choses comme ça, pour 200-300 000 euros quand même. Et donc, c'est quand même l'anecdote, on braque. Voilà, le tournage de Lupin a été victime lui-même d'un braquage. Là, malheureusement, Marcy n'a pu rien faire. Allez, la bande-annonce. C'est dans les moments, ces moments-là qu'on peut dire la fiction rejoint la réalité. Tout à fait. Allez, la bande-annonce de cette partie 3 de Lupin. Se faire cambrioler est une expérience désagréable. Et ce, afin de vous éviter les aléas d'une surprise, j'ai pris la décision de vous prévenir à l'avance que je m'apprête à dérober votre perle noire. Vous en connaissez beaucoup, vous, des braqueurs qui vous invitent à leur casse. J'ai un plan, Ben. C'est un gros coup, Ben. Le coup. Mais il est chaud. Sur une échelle de 1 à 10, on est comment ? Un petit 12. Bien sûr. Des centaines de personnes sont venues dans l'espoir d'apercevoir le fugitif le plus recherché de France. T'es vraiment cinglé, Hassan. Je viens de recevoir un message de ma mère. Viens ce soir, amène la perle avec toi. Donc quelqu'un, ma mère, si je m'exécute pas, ils vont lui faire du mal. Cette fois, il s'agit de tester tes limites. Et de savoir ce qui compte vraiment pour toi. Attendez, je vais le recoller. Vous avez de la colle forte ? Je suis assez adroit, ça se verra pas. Voilà, avec la petite musique qui vous dit que c'est, je vous l'avais pas dit, mais Netflix, c'est sur Netflix, Lupin. Alors, mon écran vient de s'éteindre. Moi aussi, j'ai plus de batterie, c'est la folie. Et on va terminer cette émission avec une autre série. Alors, c'est Gen V, ou Génération V. C'est une série, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est tiré, c'est un spin-off de Boys. Rien à voir avec V, les visiteurs. Non, rien à voir avec les visiteurs. Mais, c'est une école de super-héros. Voilà, mais c'est une super de, voilà, donc ils sont là parce qu'ils ont des pouvoirs particuliers, ils sont assez divers et variés. Et voilà, ils se retrouvent dans cette école-là et ils vont vivre une vie un petit peu particulière parce que on apprend assez vite que leurs pouvoirs sont nés d'un endroit particulier que l'on appelle la forêt. Et c'est dans cette forêt-là que leur pouvoir a grandi. Alors c'est un ovni. Je pense que je me mettrai après à The Boys parce qu'on a beaucoup entendu parler de The Boys et des allusions un petit peu choc, des images choc qu'on pouvait voir dans The Boys. Eh bien c'est pareil dans Génération V. Je ne peux pas parler des certaines images qui ont été diffusées dans les 4 premiers épisodes puisqu'il y a une première salle d'épisodes pour lancer la saison il y a 15 jours. Et là il y a eu cette semaine un 4e épisode. Et donc, c'est un épisode par semaine, un peu comme The Last of Us. Donc là, on en est au 4e épisode. Ça gicle bien de partout. C'est quand même très porté un peu sur les images sexuelles, un petit peu comme l'était déjà The Boys, apparemment. Mais c'est un ovni. C'est une série de science-fiction un petit peu qui vient de nulle part. Et c'est ça qui choque et qui intéresse en même temps. C'est aussi un gros carton actuellement sur Amazon Prime. Je pense que c'est la série la plus regardée actuellement sur Amazon Prime. Voici la bande-annonce. Je sais que des milliers de questions doivent se bousculer dans votre tête. Est-ce que c'est l'endroit qu'il me faut ? Est-ce que je suis à ma place ? Laissez-moi vous assurer que nous voyons quelque chose en vous. Quelque chose que vous ne voyez peut-être pas vous-même, même si vous avez une vision à rayon X. Félicitations et bienvenue à la Godalkin University. Quand Golden Boy s'enflamme, il se retrouve à poil. C'est comme un gigantesque concombre. Golden Boy, Jordan, André, ils ont tout réussi. Ils vont sauver des vies par milliers. Je t'ai trouvé un nom de super-héros, tu veux l'entendre ? Bloody Mary. C'est vraiment nul. Ok, Coagula. C'est encore pire. Je retournerai jamais dans cette putain de forêt ! Il se passe des trucs très bizarres ici. À qui t'as été raconté ça ? À personne. Je t'interdis de reparler de ça, André. Qu'est-ce qui se passe ? It's lights out. Il y a des gens vraiment maléfiques dans cette école. C'est énorme, ça nous dépasse tous. Faut qu'on fasse quelque chose. C'est ta chance d'avoir un vrai pouvoir. Va pas tenter de faire des exploits de mini-héros. Ok, d'accord, ouais. Oh putain. Rechercher la vérité, c'est exaltant. C'est un peu parti en couille, là, non ? Répondez pas, c'est une question rhétorique. C'est qu'une question de temps, avant qu'ils découvrent tout ce qu'on fait d'autre ici. S'il y a des fuites sur la forêt, on va au-devant d'un problème potentiellement fatal. It's lights out. T'es complètement taré. Je suis complètement taré. La seule chose qui saute clairement aux yeux, c'est qu'on est tous complètement tarés. It's lights out. C'était donc la bande annonce. On remercie. Voilà, c'était la bande annonce de The Boys de Génération V. J'avais bien l'impression de parler dans le vide. Parce qu'il n'y avait pas la lumière, mais c'est pas grave. C'était donc cette première émission de Ça ira mieux demain, l'émission qu'on était, on était très heureux de vous retrouver. J'espère que Manon sera avec nous la semaine prochaine. Et on se retrouve bien sûr dans une petite demi-heure, tout de suite avec Charlie & Co. et le Hot 40 à 20h. Je vous souhaite un très très bon week-end. Bon week-end à toi aussi, Laurent. Bon week-end à tout le monde, à vendredi prochain. À vendredi prochain, bye bye. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne.